visage. Tu rougis même quand il fait noir. Trop pour t'y voir. Caché dans ton lit, tu fuis le regard d'autrui. Pourtant la vie avait l'avenir. T'es vrai, et si c'était un sourd ou le vide, tu voudrais juste en dormir. Quoi que l'on en dise, je vais oublier tes doutes pour l'autre rive. Au moins le temps d'un rire. L'eau coule dans ton manteau, me glacer, me plonger dans ta réalité. T'es fané dans du satin, poursuivre un chemin, le tien.